Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou. J'avais pas de bagages en soute et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Bonjour, vous êtes Bi. Bienvenue sur l'antenne de Radio Gamezo pour votre émission des émotions. Je suis Charlie. Kevin. Yann. Bonjour, je suis Bérangère. Bonjour, je suis Nicolas. Bonjour, je suis Anaïs. Bonjour, je suis Benoît. Bienvenue. Et nous avons intégré une nouvelle personne dans le groupe Émotion. Il s'appelle Nicolas. Oui. Voilà. Eh bien, bienvenue Nicolas. Bienvenue à toi. Alors, on se retrouve, hein, comme d'habitude, on se retrouve lors de cet atelier. Est-ce que quelqu'un peut rappeler, un des jeunes peut rappeler un petit peu comment fonctionne notre atelier, notre émission, qui commence à dater maintenant, depuis plus d'un an? Qui veut prendre la parole? Je veux bien, oui. Vas-y, Yann, explique-nous. Le principe est simple. Tous les participants choisissent une chanson sans dire aux autres. Après chaque diffusion, nous débattons sur le sujet de cette chanson et nous devinons bien évidemment qui a choisi la chanson. Et après, celui qui a choisi la chanson nous explique le pourquoi du comment. Alors, celui qui a choisi la chanson, il explique surtout quelle émotion, quel sentiment le morceau musical lui a apporté et le pourquoi du coup de ce choix musical. Aujourd'hui, en régie, c'est Chris. Bonjour Chris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, Chris, tu peux lancer le premier choix musical. Je suis pas ça s'enlève. Y'a le soleil, cascara il s'enlève. Oh, il s'enlève, disque d'or ça s'enlève. Y'a le soleil, cascara il s'enlève. Oh, il s'enlève, disque d'or ça s'enlève. Y'a le soleil, cascara il s'enlève. Oh, il s'enlève, disque d'or ça s'enlève. Ben voilà, on vient d'écouter notre premier morceau musical. Je vous avouerai que j'ai pas tout compris parce qu'en fait j'avais l'impression que la musique était plus forte que les paroles, plus haute. Donc du coup moi j'ai pas compris trop de termes. Soleil, je suis célèbre. À part ça, c'est un morceau que je ne connais pas du tout. Pareil pour ma part, c'est un morceau que je connais pas du tout. En tout cas, il veut du soleil. Du soleil et être célèbre. Et être célèbre. En toute honnêteté, je ne connaissais pas ce titre. Moi non plus. Anaïs, est-ce que tu connaissais? Bah, je connais juste le chanteur. Ah, mais c'est déjà bien, c'est qui? C'est qui le chanteur? Il s'appelle Jules. Ah, c'est Jules, le fameux Jules de Marseille, qui avec ses lettres fait la lettre J, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Ok, donc c'est Jules. Moi, je connais pas non plus, hein. Vraiment, là, je me sens vieux. Parce que j'ai aucune idée de cette chanson. Alors du coup, c'est tout l'intérêt de l'émission, c'est qu'on fait connaissance. Enfin, voilà, il y a des morceaux qu'on ne connaît pas, mais ça nous permet de les découvrir. Ouais. Juste, qu'est-ce que vous ça vous a fait? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous donne envie de danser? Est-ce que ça vraiment ça vous plaît pas? Est-ce que ça vous donne envie de pleurer? Est-ce que Yann? Bah moi, ça m'ambiance. Ça t'ambiance? Personnellement, ça me donnerait pas trop envie de danser. Alors moi, je trouve ça désagréable à l'oreille, en fait. C'est pas bien de dire ça, mais c'est ce que ça me fait, quoi. Moi, je trouve ça un peu trop... pas agressif, mais en tout cas, oui, c'est pas quelque chose qui... le son robotisé, là, un peu, qui met derrière sa voix, je trouve que c'était un peu beaucoup trop... à mon goût. Encore une fois, ça concerne que moi. Anaïs, t'en as pensé quoi, toi? Personnellement, c'est une musique que j'écouterai jamais. Ah, et notre petit nouveau, alors, Nicolas? Alors, moi, personnellement, j'ai ressenti qu'il y avait un peu trop d'autotune à mon goût. Oh, de l'autotune? Oui. Ouais, on a c'est quoi, l'autotune? L'autotune, c'est pour donner, par exemple, une voix un peu robotique, un peu... comment dire? Un peu... comment dire? Mécanique Pas mécanique, un peu plus... comme par exemple quand on dit tard et qu'on rajoute plein de mots comme ça, mais de plus en plus enlevé, quoi. D'accord. Oui. En gros, l'autotune, ça modifie un petit peu la voix, ça modifie un petit peu... On écoute une voix en autotune et puis la voix normale, on voit que c'est pas la même chose. D'accord. L'autotune, c'est pour un peu plus... comment accentuer certaines oui, choses. Oui, voilà, accentuer la voix. D'accord. Et dis donc, Benoît, aujourd'hui, on a des spécialistes. Et c'est impressionnant. Alors là... vous m'épatez. Mais c'est bien, comme ça, vous nous expliquez. Alors, du coup, si on fait le point, en fait, tout à l'heure, on a fait le tour de table. Personne ne connaissait le chanteur. Ça parlait pas à grand monde, mais moi, j'ai entendu que ça ambiançait Yann. Alors, pour le choix musical, je pense que c'est Yann qui a fait ce choix de Jules. Alors, moi, je pense que c'est un de... Alors, c'est Yann et Yann. Je pense que c'est entre Yann et Kevin, mais je ne saurais pas dire lequel. Ah, t'en choisis ça. Je dirais Yann. Ok. Charlie. Je vais dire Yann. Moi, j'hésite entre Yann et Anaïs, parce qu'Anaïs, elle avait l'air de... Même si elle dit qu'elle connaît le chanteur et qu'elle aime pas trop la chanson, elle avait l'air de s'ambiancer un petit peu dessus quand même. Alors, je vais dire Anaïs. En tout cas, oui, elle connaissait bien le prénom de Jules. Moi, je dirais quand même Yann. Je vois bien dans ce rôle-là. Je pense que c'est un domaine qu'il aime bien, Yann. Bah oui, c'est moi qui ai choisi ce choix musical. D'accord. Bah, tu vois, on commence bien à te connaître. Hein, t'es toujours un petit peu dans le style... Alors, tu me reprends si je me trompe. C'est un peu du R&B, ça, non? Du rap, du R&B, ah. Du... Non, c'est du rap marseillais. Rap marseillais, d'accord. Je m'y connais pas, alors c'est pour ça. Alors, faut savoir que Bérangère est restée bloquée sur Frédéric François pendant trop longtemps pour s'ouvrir au rap marseillais. On envoie la deuxième chanson ? Ouais. Envoyez. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi, quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle m'apportera avec elle. Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Retour à l'antenne de Radio Guémozo. Alors là, on vient d'entendre un beau morceau musical. C'était un hymne à l'amour de sa maman. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a qu'à dire que c'est la fête des mères. Hein, comme ça, c'est fait. C'était beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions dans les paroles. Je ne sais pas si vous avez bien tout entendu, tout écouté. Moi, j'ai tout entendu, du début à la fin. Et j'ai remarqué un petit détail. Alors explique-nous, Nicolas. Alors moi je passe direct sur une personne que j'ai vue rigoler au début de la chanson. Et elle rigole encore. Ah, donc toi, t'es déjà dans le choix de, oui, de celui qui, ou celle qui a choisi le morceau musical. Mais cette chanson, qu'est-ce que t'en as compris? Qu'est-ce que vous en avez compris? Bah, que quelqu'un aime beaucoup sa maman. Oui. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'elle l'a choisi, peut-être, on sait pas. Eh, peut-être. Oui. Les garçons. Pareil, hein, c'est une musique de Kenji faite pour sa maman, je pense. Ouais. Bon, peut-être pour une fête des mères ou parce qu'il aime bien sa mère et puis qu'il veut en parler. Ouais. Ah, c'est Kenji. D'accord. Ouais, Kenji Girac. Bravo, ok. Anaïs. Je sais pas. Tu sais pas, le morceau en lui-même, qu'est-ce que tu en penses dans les paroles qui sont évoquées? Bah, ça parle d'une mère, donc du coup, ça prouve que la personne, elle aime sa mère et qu'elle tient à elle. Ouais. Oui, il évoque beaucoup d'amour, l'émotion, qu'elle est toujours présente, qu'elle le motive, que quand ça va pas, ben voilà, elle lui dit que ça va aller, enfin... Oui. Qui s'est pas exprimé encore? Alors, moi, j'ai effectivement, ce qui est chouette dans ce groupe, c'est qu'on passe quand même vraiment dans les styles de musique. Hein. J'ai l'impression que c'était pas le même style que Jules, complètement différent. Alors effectivement, hein, assez rapidement, on voit qu'il y a du sens quand même dans le texte. On comprend les paroles. Après, moi, mais c'est mon ressenti à moi. Je trouve que la voix, elle me plaît pas en fait. Le texte me plaît, mais je trouve que la voix, ça va chercher trop haut pour moi, mais c'est mon avis. Après, le texte a du sens et elle génère quand même de l'émotion. Quand on l'écoute, on pense effectivement à notre propre mère, on pense forcément. Alors, quand tu dis que tu aurais voulu quoi? Que le chanteur ait une voix plus posée, plus... Oui, mais c'est moi. Hein. Je trouve que maintenant, oui, beaucoup les chanteurs ont, et les chanteuses, plus ça va chercher dans les aigus. Je trouve que ça force vraiment le trait. Moi, j'aime bien les voix qui sont plus posées, mais voilà, je préfère. D'accord. Que là, je trouve que c'est un très bon chanteur, attention, mais c'est presque surjoué, tu vois, dans le la mama. Enfin, il va chercher très haut. Ouais. Bref, je trouve que c'est beaucoup maintenant comme ça les chanteurs. Et, voilà. Oui, et surtout que ça. Oui, et surtout que ça se peut qu'il ait été tendu lors de l'enregistrement. Ah, ouais, oui, peut-être. Peut-être. Mm. Alors, qui a une idée? Kevin. Moi, j'hésite entre Anaïs et... Nicolas. Et Nicolas. Parce que Anaïs, elle avait l'air de bien aimer la chanson. Mais je me méfie un peu d'Anaïs parce que on pense la plupart du temps qu'elle aime bien et puis au final c'est jamais elle qui aime bien. Bah, elle cache bien son jeu. Ouais, hein. Elle cache bien son jeu. Et puis Nicolas parce qu'il envoie tout de suite, il a tout de suite envoyé un pic à Anaïs. Ah. Alors. Et c'est surtout parce que j'ai remarqué le petit détail, c'est qu'elle a ri, mais elle a ri juste quand il y a eu la chanson. Oui. Donc, et moi aussi, je l'ai remarqué. Oui, c'est ça qui m'a frappé à l'œil. Donc, je pense aussi que c'est Anaïs, forcément. Est-ce qu'elle peut aussi rire parce que oui, elle se dit « Ah tiens, cette chanson-là me plaît, hein. On a le droit d'aimer d'autres chansons. » Parce que c'est vrai que Kenji Girac, il me semble qu'Anaïs, c'est un chanteur qu'elle affectionne. Et je crois que dans une émission précédente, elle avait déjà eu un choix. Alors moi, par contre, oui, je pense que c'est Anaïs. Bon, je vais dire Anaïs aussi. Je pars sur Anaïs aussi. Moi aussi, je pars sur Anaïs. Bon, bah, c'est moi. À l'unanimité, on s'est pas trompé. Oui. Alors, pourquoi ce choix, Anaïs? Ben, en fait, je l'ai pris la chanson-là, c'est pour la décrire à ma mère que je tiendrai toujours à elle et que j'aurai toujours besoin d'elle. Oh là là, c'est... Ouh, alors j'espère qu'elle écoute l'émission. Voilà, c'était vraiment à l'écoute, à mon avis. Elle a des... Elle a des frissons. Super. Ouais, bah, c'est très beau, Anaïs. Bravo, bravo. Alors, moi, pour une belle déclaration. J'ai mis un bout de temps à comprendre que Kenji Girac n'avait rien à voir avec Jacques. Que ça ne s'écrivait pas de la même manière. Jacques Chirac. Ouais. Tu l'avais ? Non, bon, d'accord. On passe au morceau suivant. J'ai pris un bide. Gros bide. On y va. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la Belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Alors là, on vient d'en prendre plein les oreilles quand même. C'était fort, c'était puissant. Avec un grand classique des comédies musicales. Oui, alors, j'ai bien reconnu que c'était Notre-Dame de Paris. Mais alors, le chanteur, je vois son visage, mais je remets pas le nom dessus. Charlie, je crois que tu peux m'aider là. Il me semble que c'est un certain Bruno Pelletier. Chris confirme, on est bien sur Bruno Pelletier, d'accord. Alors là, on a vraiment changé de style musical entre Jules et Pikenji. On est dans autre chose. Vous avez déjà vu cette comédie musicale à la télé ou... Oui, moi, j'ai bien entendu la comédie musicale. Ouais. Donc, moi, je ne le connais pas, le chanteur. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il a envoyé de la voix. Ah oui, là, on l'a bien entendu. Oui. Déjà entendu plusieurs fois, mais jamais vu. Jamais vu, Yann ? Bah, il fait que de parler de la cathédrale et... Et c'est pas tellement ta tasse de café, ça, non ? Ta tasse de thé, t'as... Bah, non, ce serait pas une musique que j'écouterais souvent. Ouais. Anaïs? Je sais pas, c'est une musique que j'entends tout le temps, donc... Ah, donc t'es fan? Oui. Alors on est quand même sur quelque chose qui commence à dater un peu, là. C'est plus la génération... notre génération, Béranger et moi, quand on avait... ça a bien 20 ans, je pense, non? Je suis en train de les chercher. Ah, super. Moi, je dirais 20 ans, 22 ans. Kevin, tu voulais dire quelque chose? J'ai une idée de la personne qui a choisi la musique. Ah. Alors, moi aussi. Alors, du coup, la comédie musicale Notre-Dame de Paris, elle date de 1998. Le 16 septembre 1998 pour la première représentation. Mais ça commence à dater. C'est pas tout jeune. Ce n'est pas tout jeune. Mais je pense que c'est un tout jeune qui a choisi ce morceau musical. Et je crois même que... Je pense que c'est Charlie. Tu penses à Charlie. Yann, tu penses à qui? Bon, je penserais à Charlie parce qu'il était un peu en train de s'ambiancer sur la musique. À Bérangère, pour ma part. Anaïs, tu penses à qui? J'hésite entre Charlie et Bérangère parce que j'ai observé que Charlie, il était en train de chanter la musique à la fin. Donc du coup, je vais choisir Charlie. Nicolas, tu penses à qui, toi? Bérangère. Ah ouais. Je vais partir sur Bérangère. Ah, mais les garçons. Alors, attends, moi j'ai pas donné mon avis. moi je pense à. Nicolas. Oui, parce qu'il faut pas oublier quand même que le petit nouveau d'aujourd'hui, on connaît pas trop son style musical. En tous les cas, pour ma part, ça fait quand même plusieurs émissions que l'on fait ensemble. non, c'est pas du tout mon choix musical. Nicolas, Je dois dire quoi? Tu dois dire c'est toi. Dis-nous. C'est moi. D'accord. Alors, explique-nous pourquoi. Alors, je l'ai choisi parce que je l'avais entendu à la télé. Et en ce moment même, je l'apprends parce que j'aime bien cette musique. Alors, tu l'apprends à l'oral, enfin en chanson, tu apprends les paroles? Oui. D'accord. Je me permets, peut-être on peut, tu peux expliquer brièvement un petit peu ta passion, ce que tu fais, Nicolas, parce que je crois qu'on est dans le groupe, là, on a pour la première fois un musicien. Oui, je fais du piano. Donc, je fais toutes sortes de musique, par exemple, au Bella Ciao, tout ça. Et donc, pour l'instant, je me débrouille pas mal sur au Bella Ciao, sur Fort Boyard, tout ça. D'accord. Tu débutes? Un peu. Et en même temps, ça date un peu quand même que je fais de la musique. D'accord. Donc, t'es pas débutant, quoi. T'es un peu initié. Et donc, Notre-Dame de Paris, voilà, c'est parce que c'est quelque chose... les paroles te plaisent ou c'est le rythme? C'est parce que ça me plaît. C'est parce que... il y a, on entend la voix, et surtout que ça provoque de l'émotion. Ah, alors quelle émotion? Quel type d'émotion ça te fait? Je saurais pas décrire l'émotion, mais tout ce que je sais, c'est que ça me fait pleurer de joie des fois. D'accord. Ou voire de tristesse des fois. Ouais. Oui, parce que le morceau musical, ça peut être très bien, comme tu le dis, beaucoup de peine parce que voilà, ça nous fait penser à certains souvenirs ou certaines tristesses, ou alors de l'extrême, de la joie, du plaisir, quelque chose de très positif. Oui. D'accord. On va envoyer le quatrième morceau et surtout, on rappelle à nos auditeurs que l'auditeur secret peut nous appeler. On rappelle le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone est le 03 29 62 40 40. Свечал морской прибой, и мне за ним бы наблюдать, но ты влюбилась в меня. с тобой, что нашла во мне, скажи, ведь нету даже ни гроша. Да вон, смотри, карман зашит, я сам в душе, словно дитя. Фонари горят, как алый небо слот, но эти корабли плыву домой обратно в порт, воздух оглотни. Смотри за горизонт, а я все не пойму. Retour à l'antenne. Alors là, c'était encore pareil, un morceau musical novateur pour nous, parce que je crois que dans nos émissions précédentes, on n'avait jamais passé ce genre de musique. J'ai pas compris en quelle langue c'était. Je pensais, enfin, à l'oreille plutôt peut-être du russe, du moldave, dans les pays de l'Est de l'Europe. Moi, je me lance direct, c'est du bulgare. Déjà, on entend bien la musique et on entend bien les paroles. Mais les paroles, pour moi, c'est incompréhensible. C'est pas une musique que j'écouterais tout le temps, moi. D'accord. Voire même pas du tout, même. Ouais. Donc, non plus, hein. Les garçons. Je sais pas. Tu sais pas? Non. Y a rien qui vient. Bah, juste à part le rythme, c'est tout. Mais... Oui, je suis d'accord avec Nicolas, le rythme, en fait, il est... Bon, voilà, c'est le même pendant tout le morceau. C'est un petit peu ennuyeux. Anaïs ? C'est une musique que j'écouterai même pas. D'accord. Donc, au niveau émotion, rien, quoi. Benoît, au niveau de l'émotion, du morceau musical ? Moi, je trouvais... Juste, moi, ça me plaisait bien, ça me donnait envie de... Ouais, je me dis en soirée l'écouter, ça m'irait bien. Plus que les autres. Après, on est quand même dans un style très actuel, non ? Enfin, si je me trompe pas. Bah en même temps, Chris, toi qui es en régie là, oui. C'est un morceau de quelle année ? Je regarde ça et puis je te dis. Merci. Quel monde. 2013, donc c'est pas très vieux. Pas très vieux, 2013. Non. Alors par contre, je vous regarde tous et je me dis, mais lequel a pu choisir ce beau morceau musical ? C'est exactement ce que je me suis dit. Alors, voilà, moi, il y en a un que ça m'a tapé à l'œil quand donc c'est Benoît, pour moi. C'est Benoît parce qu'il est... Parce que peut-être qu'il était parti, mais... C'était une stratégie, ça. Oui, c'était peut-être une stratégie. J'avais pensé à ça. Je vais juste faire une petite correction. C'est pas 2013, j'ai mal vu, c'est 2019. Voilà. Ah oui, ah, encore ah, oui, plus récent. Quand même. Alors moi, pour ma part, Nicolas, moi, je pense que ce serait Kevin. Ah, moi, je pense à Benoît. Vas-y, Kevin, je t'en prie, vas-y. Ah, moi, je pense à Benoît. Ah ouais. D'accord. Il y en a plein qui vont. Moi, je pense effectivement à Kevin. C'est soit Kevin, soit Benoît. Yann Mais je sais pas si Chris y joue. Ah. Ah, bonne question. Bonne question. Bonne question. Moi. Bah, je dirais Chris. Ok, on va dire Chris alors. Je partirai sur Chris aussi. Anaïs, toi qui es installée en régie, tu es au plus près de Chris. Qu'est-ce que tu as perçu ? Bah, je penserai à Benoît. Ah, j'en peux plus. Il y a tout le monde qui a pensé à Benoît là. Parce que. Alors moi je réitère, hein, je pense que c'est Kevin. Est-ce que tout le monde s'est exprimé ? Oui, on a fait le tour de table. D'accord, donc là c'est roulement de tambour et je te dis si c'est moi, c'est ça ? Ouais. Et ben ce n'est absolument pas moi. Je suis rassurée. Donc je remiserai sur quelqu'un. Chris. Ah. Oui. Un petit Chris mot à dire. Là c'est pas moi non plus. Ah, c'est Kevin. Bérangère alors. Mais non, c'est toi. Bérangère, c'est sûr que c'est pas elle parce que c'est pas son style de musique qu'elle a. Mais non, c'est moi. Voilà. Ah. C'est Kevin. Alors explique-nous Kevin parce que du coup c'est tout à fait nouveau pour nous. Bon, en fait, je voulais faire découvrir une nouvelle musique que moi personnellement j'aime bien. D'accord. Donc pour information, c'est du russe. Ah ouais. Et voilà. Ah. Donc je me suis mis de tendance pour les musiques russes en ce moment. D'accord. Est-ce que tu comprends quelques mots? Je comprends rien du tout. Ah. Non, le but c'est de comprendre le sens des paroles et de la musique. Oui, Anaïs. Donc si tu sais pas le sens des paroles, c'est qu'il y a un problème quand la même. La musique est bien alors. Oui, mais peut-être que voilà, la musique, le rythme, c'est ce qui l'intéresse. Ouais. Alors c'est quel groupe, c'est quel chanteur ? Donc le groupe c'est Liranov. Mais le chanteur, vu comme je parle pas russe, ou le nom de la musique, je connais pas du tout. Ah, t'arrives pas à prononcer ? Non, je parle pas russe. Ok. C'est quelque chose que tu as découvert récemment ? Oui, récemment. D'accord. C'est pas forcément facile à trouver quand on parle pas russe. Ben ouais. Alors, apparemment, le titre, ça serait Gurza. Gurza, je sais pas ce que ça veut dire. Je vais essayer de regarder sur un traducteur. Gurza, par contre... attends, tu regardes rapidement. Moi, je m'y connais pas du tout en russe. Donc, je ne sais rien dire. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs chanteurs russes que tu écoutes? Bah, ça veut rien dire en français. Rien dire. Gurza. Je sais pas ce que c'est. Tu as des exemples? J'ai plus le nom en tête. Ah, d'accord. Ok. Chris, est-ce que nous avons un auditeur? Non. Non? Eh bien, alors, on va passer au morceau suivant. Ça marche. C'est parti. Me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin. C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire? Que veux-tu que je fasse? Tout ce que tu voudras entre mes lignes, ton territoire, au-dessus de moi. J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire. À l'antenne de Radio Gamozo. Alors, on est retourné sur un morceau français, parce que quand on va depuis le début de l'émission, on est beaucoup sur des chansons françaises, ce qui nous permet de comprendre un petit peu les paroles, les textes. Rythmé, quelque chose de rythmé, quelque chose de... Il y a de l'enthousiasme, enfin, moi, c'est ce que ça me fait penser. C'est quand même joyeux, même si, voilà... On connaît la fin de l'histoire de Grégory Le Marchal, mais en tout cas son morceau, moi je le trouve plutôt. Ah, c'est Grégory Le Marchal, je cherchais. Ouais. Mais c'est encore. C'est, du coup, on est sur quelque chose qui n'est pas actuel aussi. Grégory Le Marchal. Ça a quelques années. Ouais, quand je dis quelques années, voilà. C'est ouais. Ok. Bah, moi je trouve effectivement, hein, c'est un. il y a du sens dans le texte. Mais encore une fois, je suis pas fan des voix qui vont. Chercher très haut, mais qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce texte, Anaïs, par exemple? Quand on connaît l'histoire, vous connaissez un peu l'histoire de Grégory Le Marchal? Il a eu une maladie, donc ouais, tout à fait. Alors, dans les paroles, hein, on entend bien écrit l'histoire, hein, mais n'écrit jamais la fin, donc c'est aussi quelque chose de. Ça peut motiver les gens qui écoutent cette chanson d'y croire, de se dire que rien n'est impossible et que voilà, on va de l'avant. Pour moi, quand on dit écrit l'histoire, mais jamais la fin, pour moi, ça veut dire que c'est comme si un poète marquait, mais que son texte n'avait pas de fin. Ouais. C'était. Comme ça. Bien, vas-y, hein. Bah, j'aime pas trop cette chanson. Alors pourquoi? Ce qui est important, c'est d'avoir pourquoi ça te plaît pas. Je sais pas, ça m'ambiance pas trop dans le thème. Les paroles, tu les as un petit peu écoutées? Oui. Oui. Elles te parlent ou alors voilà, c'est des paroles qui justement te freinent? Non. Ah oui, ça ne t'a pas plu. Non. Kevin? C'est pas de la musique que j'écouterais. Oui, c'est pas ton style musical, d'accord. En tout cas, voilà, moi, même si c'est pas quelque chose que j'écoute très régulièrement, c'est quelque chose qu'on connaît parce que voilà, c'est passé longtemps à l'antenne. Mais surtout, les paroles, elles sont, elles ont un sens, vraiment un sens, et elles peuvent être elles sont d'actualité, quoi. Je veux dire, c'est dans notre quotidien. Que se passe-t-il ? Tout le monde se regarde. Alors, vous pensez à qui ? Moi, je penserai à Charlie. Ah ouais, elle n'a pas froid aux yeux. Et non, Anaïs n'a pas froid aux yeux. Je suis Anaïs, je pense que c'est Charlie. Moi, je pense que c'est Chris. Toi, tu penses à qui, toi, Charlie ? Je dirais Benoît. Moi, j'hésite entre Charlie et Béranger. Ouais, en fait. Aïe. Pareil. Mais je vais dire Charlie quand même. Moi je dis Bérangère. Moi je dis Bérangère. Anaïs, tu as dit ouais ? J'ai dit Charlie. Nicolas, tu as dit aussi ? Oui, Chris. Ah ouais. Et Chris, tu penses à qui ? Oh, je sais pas, je dirais Bérangère aussi. Je sais pas, je trouve que c'est un chanson qui pourrait te plaire et qui tirait bien, je trouve. Ok. Alors pas du tout. Pas du tout. Par contre, comme j'expliquais, voilà, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement à la radio. Moi, j'aime bien écouter. J'aime bien, voilà, les paroles. Mais en tous les cas, ce n'est pas mon choix d'aujourd'hui. C'est celui de Charlie. Et oui. Pas du tout. C'est vrai ? C'est Chris. C'est Chris. C'est surtout que moi, je pense du coup peut-être Chris. Benoît. Vous pensez tous que c'est moi ? Ah, non, personnellement ! Moi, je pense que c'est Chris. D'accord. Parce que là... j'ai vu s'ambiancer. Donc là, c'est moi qui dois dire si c'est moi ou pas. Voilà. Ok, alors, c'est absolument pas moi. Mais, ça fait deux fois que vous trompez sur moi, quand même. Hein. C'est Nicolas. Non, c'est pas moi. J'ai été déjà choisi. Mais j'ai vu quelqu'un s'ambiancer par là-bas. Chris aussi s'ambiancer sur ma musique. Bah, c'est la personne Bon, je crois que c'est à ce moment-là que je dois dire que c'est moi. Voilà, tu peux confirmer. Non, parce qu'en fait, c'est une chanson que j'aime beaucoup de Grégory Le Marchal, sortie en 2005, justement, issue de son premier album, parce qu'en fait, il a publié qu'un seul album de son vivant. Et donc, c'est une de mes chansons qui me touche beaucoup, qui me parle. Et Grégory Le Marchal, c'était un chanteur que j'aimais beaucoup, donc je me suis dit, je vais participer, et puis voilà. Ah, c'est bien, super. Tu as raison. Ah, bah, c'est un texte qui a du sens, hein. Oui. C'est vrai. Allez, on poursuit. Hey, pense d'âge, le doigt toujours. Tu veux faire le tri chez tous tes potes, dis-leur que tu ne vas plus rien payer. Ma fille n'aura pas besoin de dot, mais le mari viendra quand même donner. Toujours une frayeur pour me faire sursauter, la haine me laissera pas l'oublier. Tu donnes ta parole, respecte le code, les mots faut savoir les assumer. J'ai débarrassé les corps, le travail est magnifiquement fait. Peut y avoir un désaccord, mais courir dans le camp opposé. Jamais, toujours soigné quand on sort. Jamais compter combien de dompés. On peut kiffer sur ton corps, mais t'auras pas l'accès VIP. En vrai, tu sais quand je réussis, c'est tous ceux qui me suivent qu'on réussit. On n'a qu'une règle ici, pas de veste réversible dans ma visible. Tu sais quand je réussis, c'est tous ceux qui me suivent qu'on réussit. On n'a qu'une règle ici, pas de veste réversible dans ma visible. Je ne sais pas revenir sur mes pas. Si t'es parti, s'il te plaît, ne reviens pas, papa. Je ne sais pas revenir sur mes pas. Suis mes pas, mais ne reviens pas. Je ne sais pas revenir sur mes pas. Si t'es parti, s'il te plaît, ne reviens pas, papa. Je ne sais pas revenir sur mes pas. Suis mes pas, mais ne reviens pas. On va me parler de la bonne époque. Mon époque à moi c'est maintenant, ouais. Plus de 4 piges dans le top. J'ai ouvert la porte aux concurrents, ouais. On fait de l'argent pour tout oublier. Comment tu veux que je reste rancunier? Meilleur élève, meilleure école. De section d'assaut, j't'ai l'écuyé. Même si t'es pas dans mon cœur, si tu dis qu'il y a du bif à faire, tu peux m'appeler docteur. J'ai soigner la plupart de tes plaies. Je sais, ma trompe ne donne plus l'heure. Elle fait que me rappeler que le temps c'est cher. Tu n'entends pas le moteur. L'alphabet pour moi c'est GTA. MG, tu sais quand je réussis, c'est tous ceux qui me suivent qu'on réussit. On n'a qu'une règle ici, pas de baisse réversible dans ma visible. Tu sais quand je réussis, c'est tous ceux qui me suivent qu'on réussit. On n'a qu'une règle ici, pas de baisse réversible dans ma visible. Je ne sais pas revenir sur mes pas, pas, pas. Si t'es parti, s'il te plaît, ne reviens pas, pas, pas. Je ne sais pas revenir sur mes pas, pas, pas. Suis mes pas, pas, pas, mais ne reviens pas. Je ne sais pas revenir sur mes pas, pas, pas. Si t'es parti, s'il te plaît, ne reviens pas, pas, pas. Je ne sais pas revenir sur mes pas, pas, pas. Suis mes pas, pas, pas, mais ne reviens pas. Nous sommes de retour à l'antenne de la radio Gamozo. Alors là, on est encore sur un autre style. Hein. J'aime bien, moi, ça part dans tous les sens. On passe de Grégory Le Marchal à du rap un peu. Je pense que c'est actuel, Kevin. Qu'en penses-tu? Oui, je pense. C'était un petit peu dans le même style que Jules. On est d'accord. C'est un peu du même style musical. Oui. Hein, bon, par contre, c'est vrai que la musique, elle est toujours un peu forte et dans les paroles, on a du mal à comprendre ce qui se dit dans les paroles. C'est un peu compliqué. Oui. Surtout que des fois, les paroles reviennent. Comme par exemple, au moment qu'il dit le pas, il y a aussi trois pas qu'il dit après. Oui. Ne reviens pas sur tes pas, ne reviens pas. Oui. Il a parlé de GTA. Oui. Donc un jeu. C'est un jeu vidéo, non? Oui, Charlie, qu'en penses-tu? C'est un morceau que je n'écouterai pas trop. Je suis comme toi, Charlie. C'est pas trop mon style. Moi, j'avais l'impression que Benoît, il avait l'air de s'ambiancer. Alors, c'est pas qu'une impression. Alors, bizarrement, je sais que je suis peut-être un peu bizarre, mais c'est... je sais pas, le rythme... Moi, je pense qu'il y a des moments où on écoute de la musique pour des textes. La plupart du temps, c'est ce que je fais. Puis il y a des moments, là, peut-être parce que je viens de boire un café il y a 20 minutes. J'ai remué les jambes parce que le rythme me plaisait bien. Effectivement, le rythme me plaisait bien. Moi aussi. Anaïs. Personnellement, c'est une musique que j'écouterai peut-être comme ça, mais sans plus. Alors... Est-ce que quelqu'un déjà connaît le chanteur? Daljou, il s'appelle. Ah, Naïs, tu connais quand même. Oui, ça me disait parce que à la fin, je connaissais Dadjo parce qu'à la fin, il fait toujours son petit ouais. Exactement. Ah oui. C'est sa signature en fait. Oui, Dadjo, il a pas un frère aussi? Si, il s'appelle Maître Gims. C'est Gims. Ah d'accord. Ah. Ah. Je savais bien qu'il y avait un petit quelque chose. Alors, vous pensez à bah, déjà, ça, alors, chacun s'est un peu exprimé sur. Si ça lui plaisait ou pas, Yann? Bah oui, ça me plaisait bien. Bon, je pense qu'on est un peu dans le même style que Jules, donc Jules. Ça te plaît bien. Toi, t'as besoin que ça t'ambiance, comme tu dis. Ouais, voilà. Ça te fasse, donne envie de bouger. C'est vrai que je t'ai vu, hein, tu as bougé, t'étais ambiancé. Oui. Alors, qui pense à qui? Moi, je penserais à Benoît. Moi, pareil. Benoît aussi. Moi, je penserais à Benoît parce qu'il disait qu'il n'aimait pas les voix aiguës et puis là, il n'y en avait pas. Ah, oui. Je vais dire Benoît. Alors moi je pense à Benoît aussi parce qu'il a pas arrêté de taper sur la table pendant tout le morceau. Alors je suis désolé d'avoir tapé et j'ai l'honneur de vous annoncer que ça fait la troisième fois que vous échouez. Mais vous n'êtes toujours pas moi. Moi je penserai à Charlie. Moi je penserai à Bérangère. Charlie? Non, c'est pas Bérangère moi. Pour moi. C'est pas moi. A-t-on un auditeur secret? Alors. Oui. Allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. C'était qui? Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chère auditrice. Bonjour. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'on a une auditrice et qu'on a un petit enfant à côté, non? Enfin, un petit enfant. Oui. Ah, d'accord. Alors, qui nous a appelé? Alors, bah moi, c'est Julie. Et c'est mon fils qui a choisi la musique. D'accord. Et Léo. Bonjour Léo. Bonjour Léo. Bonjour. Alors, allez-y, vous pouvez échanger un peu avec Léo, lui demander pourquoi cette chanson peut-être. Pourquoi tu as choisi cette chanson? Bah parce que j'aime bien le rythme. Oui. Déjà j'aime bien Dadju parce que ma sœur me l'a. Ah, elle te l'a fait découvrir. Oui. Ok. Est-ce que tu as bien compris les paroles? Non, pas trop. D'accord. Donc ce qui t'intéresse, c'est surtout le rythme. D'accord. Donc Léo, oui. J'ai l'impression est un peu comme Yann. Quoi. Il a besoin que ça l'ambiance, que ça lui donne envie de bouger, c'est ça? Oui. Ah bah très bien. Alors sache Léo que ça a beaucoup plu à Yann. Oui. Oui. Qui a le même, un peu les mêmes goûts que toi, je pense. Est-ce que toi tu écoutes aussi Jules? Oui, beaucoup. Ah bah voilà. Ah oui, toi, t'es plutôt rap, on va dire rap marseillais alors. Un peu. D'accord. Ah oui. À mon grand désespoir. Comment ça, son grand désespoir? Vas-y, demande Yann. Pourquoi grand désespoir? Bah voilà, après c'est pas de la grande littérature en fait, hein, au niveau des paroles. Mais voilà, après moi aussi j'aime bien le rythme, voilà. Et ça se danse bien. Mais tu vois, et voilà. Tu vois Yann, c'est, je pense que Julie s'est rejoint aussi un peu. D'autres comme Bérangère, moi, ou bah oui, au bout d'un moment, on se dit, tiens, c'est peut-être parce qu'on est, on n'a pas ton âge non plus, hein. C'est oui, oui, c'est peut-être ça aussi. Ce qui est rassurant, c'est que Léo et toi, voilà, vous avez à peu près les mêmes âges et vous écoutez les mêmes choses. Oui. Bah, de toute façon, si Jules il en fait son métier, c'est bien parce que des gens l'écoutent, hein. Oui, aussi. Donc voilà, mais effectivement, c'est. Eh ben, en tout cas, on peut dire merci à Léo et à Julie. Oui, merci, Léo. Bien, bien. Merci. On te souhaite de bonnes vacances. Merci. Ciao. À vous aussi. Merci. Au revoir. Bonnes vacances. Au revoir. Bonnes vacances. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne santé. Alors, je tiens à redire quand même que 3 échecs à chaque fois, vous pensez que c'est moi. Peut-être on peut encore en remettre. Oui, on peut demander un petit peu. Donc, on peut. Ah bah super, merci. Et yo, t'es pas prêt. J'arrive, Marie, mon frère, mon rap, ma voix, mes cahiers, t'es pâté. J'ai que mes pâtés sur mes papiers. J'ai étalé les ingrédients. On fait rimer toute la recette. Mon grain de sel, quand en plein texte dense. Et tu bouges la tête, plein d'essence parce qu'il le valait bien fait. J'pense que j'ai taffé toutes mes rimes entre toutes tes rythmes dans l'attente prélassée. J'crois que le sample est cassé. Le riff de gratte et rafle, pas d'esprouf. Le truc est gratin grave car le ref n'arrête pas de cracher. Roux, on est paré. Bien plus qu'il n'y paraît. J'ai tellement gratté de lignes, j'ai pu devenir fou. Allez, paré. Allez, c'est les aléas et allez, naze la serrer le rap. Là, c'est des allées, ça va là, les singes, la trace qui est la gravée. On peut plus reculer, rien n'est facile même sur les faces défalées. On porte nos coups, c'est pour ça qu'on a mis les paquets dès le départ. C'est, on a que nos stylos, nos skinos, nos petits potitos, dino rime de haut niveau. Mais, et ça c'est, après tout, je fais que passer mes nuits à effacer et gratter des phrases bêtes. Quelle cassette, des ratés, car des fois c'est, les sons viennent, tête obscène. J'en fais la peau sans m'en séparer. Mais les poches pleines de papier. Car faire du fric, j'ai pas la recette et scouche, de pas le cacher vos textes. Donne mal à la tête, moi je rappe et je touche. Pas de cacher mon rap, c'est tout ce que j'ai pas fait. Je veux pas le voir m'échapper, je crois qu'il faut que je rêve l'abcès. Alors j'aiguise ma plume sur le papier. Ah ouais, t'es pas prêt. On fait tout sauf s'éloigner. Ouvre les oreilles, les yeux et le paquet. Y'a plein de lectures, c'est soigné. Pareil que la tête est parée. Prends le train avant d'être dépassé. J'entends que le truc est trop, je crois voir le futur trépassé. Et tout à coup, des fous jaloux viennent juste me dire c'est chalé. Car tour à tour, les coups savourent ce doux amour qu'on aime clamer. Je touche à tout, je reste tout, j'avoue qu'il bouge à trop sans décaler. Si je course la boucle, c'est tout à tout. Le poule à tout, je suis presque papier. Ah ouais, j'ai craqué. J'ai trop à dire, ouais, c'est pas vrai. Faut que j'arrive à contenir à faux les larmes dans le que j'ai chialé. Car on parle d'or et rap, si vous en avez pas lisé. J'ai peur, je parle de mes peurs, je fais que verbaliser. J'ai que mes vers à livrer, que j'ai bu jusqu'à la ligne. Chaque crime pour chaque crime, que je désamorce juste à la ligne, juste lâche ma ligne. C'est carré, il faudrait que tu l'admettes petit à petit. Des maîtres élèves pendant que les élèves veulent te la mettre. On brandit, grandir, qui claque, tu vas finir, tu méfies. Mais vu que tu nous as pris pour des bleus, t'aurais peut-être tu te méfies. Mais c'est du rap d'amour, liant des faces qui vantent. Laisse passer, c'est durable, à vous, 2 étoiles filantes. Espacé, plus aucun prétexte, les textes sont déjà prêts. Tu voulais un freestyle prétexte, voici la tête pas prêt. Fallait que je le fasse avec mon frère, que ça reste gravé. Alors même si t'es pas prêt, voici la tête pas prêt. T'as mis la pression, salaud. Ah, c'est freestyle prétexte, fallait annoncer le truc. T'as un truc à dire, toi? Freestyle sec, là. Bah, vas-y. Ça travailler, elle t'évoque un temps mettant. Crois un texte, c'est embêtant. J'passe les mots qui sont même en béton. Mais bon, j'écris trop, c'est entêtant. En même temps, j'ai percuté le rap à ça entraîne. Hein. J'ai pas juste trouvé en traîne. Hein. Mais il m'a clairement rentré dans mes temps. Mes sens à découvert, j'ai découvert un sens à défendre. M'attendais que j'en tant qu'est-ce clair, ça me détend. J'étais en poésie en étant sur un nuage. Je compte pas descendre. J'ai pas de vagueur à temps. Car je le fais dans les temps. Et quand j'écris mes textes à présent, je le fais quand pleuvant des jets d'encre. Prisonnier de mes pensées, est-ce vraiment à mes dépens? J'dépense l'énergie et temps. Maintenant, c'est vrai, j'en dépends. Elle m'attirait, j'aime tant. Cette musique est mon aimant. De toute façon, je peux pas démentir. Si mes démons tirent, pourquoi s'enfuir? Demain, je serai le même en pire. Quand j'écris, je fais le vide en moi. Maintenant, y'a plus que le néant. Fais du néant, sachant que je vais combler ce trou béant. Vraiment, tout ça, je le fais pour moi. Je rappe pas pour les petits errants. J'ai pas assez talent pour passer dans le petit écran. Dès que j'enclenche le verbe devient inquiétant. Serais-je dans deux ou sept ans? Laisse-moi rêver quand la lampe s'éteint. Je t'éteins mes poèmes sur ton temps de feu errant. Je dérange vos mines étranges. Et que penche jamais sur feuille, mais tant pis. Car ouais, c'est uniquement grâce à ça que je reste en vie. J'ai le son dans le sang, je le sens. Attention, prisonnier de mes cellules, je me sens en détention. La tension se répand, j'attends sagement que sur ma feuille elle se plante. Tu névrosé, non, je crois que mes cordes vocales m'étranglent. Mais je planche, je peux rien faire. Tant que l'angle s'épanche, je m'éponge au buvard. Pour reste, on verra plus tard. Je pense, mes temps dansent, s'entendent. En traitant temps, elle danse en serpentant. Quand tranche, je m'en tête franchement. Est-ce dans ma tête des gens m'appellent, je reste en apnée, j'attends. T'es condamné de rester en l'année, j'ai tant fan et je m'étends. Je m'étonne d'écrire autant, mais je me dis que c'est en guisant mon petit rayon. Que je deviendrai peut-être grand, je vais te faire bouger la tête quand je rappe, j'en ai marre d'être lent. C'est temps, si je prends le fond, la forme, maintenant ça va pas, j'échange. Les gens des gens disent que j'ai tangué, il était temps. Mais je chanterai la tête après du cri à la légende. Je reste en apnée quand je récite mes lignes écrites des manches. Des mondes à prendre, moi je te déchante pas face à méchant. Yeah, à t'as tué ça. Les tests sont déjà prêts. Tu voulais un freestyle prêté, voici la tête pas prêt. Fallait que je fasse avec mon frère et que ça reste gravé. Alors même si t'es pas prêt, voici la tête pas prêt. Plus aucun prétexte, les textes sont déjà prêts. Tu voulais un freestyle prêté, voici la tête pas prêt. Fallait que je le fasse avec mon frère et que ça reste gravé. Alors même si t'es pas prêt, voici la tête pas prêt. Voilà, de retour à l'antenne. Vas-y, Kevin. Pour ma part, c'est pas de la musique que j'aime pas. Tu n'aimes pas ou... Non, je n'aime pas. Anaïs. Une musique que j'écouterais même pas. D'accord. Moi, en vrai, pas trop. Alors, qu'est-ce que... Alors, que vous aimiez pas, ok, mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous plaît pas ou qu'est-ce que vous avez compris de ce qui était dit? Le rythme. J'ai rien compris aux paroles, ça va beaucoup trop vite. C'est ce que j'allais dire aussi, Kevin. Exactement. Ça donne pas envie parce qu'en fait, tu te concentres pour essayer de déchiffrer ce qu'il a dit. Il va, c'est ça le problème de ces chanteurs, ils vont trop vite, on comprend pas leurs paroles. Moi, j'ai retenu quoi? J'ai pas la recette pour faire du fric. Ouais. Le rap est entraînant. On parle de poèmes, on parle de langue. Que en fait, tout est déjà pré-écrit. C'est ce que j'ai retenu. Mais en fait, après, j'arrive pas à associer pour comprendre en fait une phrase. Et puis même, il y a des moments, il finit pas ses mots. Mmh. Il reprend tout de suite sur autre chose. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime. C'est pas trop mon style de musique. La musique. C'est un peu de l'ancien temps, j'ai remarqué. Mais. La préhistoire. Mais. Le début, c'est de l'ancien temps, un peu. Mais après, ça va tout de suite sur. Un peu notre époque à nous. Ouais. Donc, oui, parce que je pense que ça doit quand même être récent. Oui. Ouais. Alors, la personne qui a choisi, elle va nous expliquer après, hein, les textes. Parce que là, on a besoin de. Que ce soit déchiffré. C'est pas trop mon style de rap, ça. Donc, est-ce que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire sur s'il aime sa chanson? Oui. La chanson. Charlie, on t'a pas entendu? J'écouterai pas cette musique. Bon, alors du coup, on va être obligé de demander à Benoît qui nous explique pourquoi il a choisi ce morceau. Ah, c'est moi. Ah, donc c'était bien Benoît. C'est moi. Bah, parce que je t'ai observé de tout à l'heure, tu étais en train de danser sur cette musique. Ah ouais, non mais moi je suis complètement fan. Et alors je retournerai tous les arguments que tu as sortis, justement en disant que là, Yann, on est face à des gens qui écrivent des textes magnifiques, qui sont d'Épinal, qui ont fait la première partie soprano à la Foire au Vin, qui ont des textes, mais moi je les compare vraiment à Ayam. Pour moi, ils sont. Bah après, il faut aimer aussi. Mais on n'a pas compris. On n'a pas compris. Faut la rentrer chez vous, réécoutez-la. Moi, c'est une chanson que j'écoute. À chaque fois que je vais faire un tour de vélo, c'est ce qui me lance sur mon vélo tellement. Je trouve que le texte est ultra sensé, mais bien sûr, il ne faut pas qu'une écoute. Alors, les textes, ils sont magnifiques, et voire même, allez sur je ne sais pas si on a accès à leurs textes. Alors, déjà, il faut nous dire qui est l'auteur. Alors, c'est Célouge et Léon. Voilà. Célouge, parce que c'est Jules, en Berlan. Et ses deux frères, deux vrais frères, qui sont, comme je disais, et qui ont fait les 40 ans d'ailleurs de Radio Gémozo. Tout à fait. Ils sont des Vosgiens ? Ah oui. Ils sont d'Épinal, ils nous ont fait l'honneur de venir chanter. La musique, elle date de quelle année ? D'accord. Pendant nos 40 ans, le 2 octobre dernier, je vais regarder ça et puis je te dis. Alors bien joué, effectivement, Yann, la musique. Alors, leur texte, ouais, je sais pas quelle année, ça doit être il y a bien 4-5 ans, je pense, cette chanson-là. Oui, 15. Ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup d'autres tubes. Quand je vous disais la première partie de soprano, c'est quand même parce que dans l'heure, mais faut, c'est effectivement, c'est ça qui est bien dans ce groupe Émotion, c'est qu'on n'est pas du tout tous d'accord. Ah oui. Mais c'est vraiment, moi je vous invite à la réécouter. Et dans le texte, il y a tout. En fait, c'est comme il dit, c'est du rap d'amour. Ils reprennent quand tu dis, termine pas leurs mots. Kevin, tu as raison. Sauf qu'ils reprennent le dernier mot pour refaire la première phrase. C'est très compliqué. Oui, c'est construit. Hein, c'est quelque chose de très réfléchi. C'est pas. Alors moi, c'est mon avis, hein, Yann. C'est pas Jules qui fait des trucs très faciles. Ça plaît, hein, certainement. Mais là, je trouve qu'on est sur un autre niveau. Ils ont, eux, dans ce qu'ils peuvent dire dans leur texte, c'est qu'un peu, ils peuvent pas vivre sans ça. Ils peuvent pas. Ils disent, on gratte sur les cahiers. Je pense que il y a peut-être 5 copies doubles ou 6 copies doubles de texte. Et quand on écoute, quand on lit, en tout cas, le texte, ben voilà, ils disent dans le texte que l'un pour l'autre, ils sont très très soudés. C'est des frères, mais des frères de sang, mais aussi, je pense que voilà, je les connais pas personnellement, mais oui. Ils vivent leur rap et je pense qu'ils pourraient pas vivre, ils le disent dedans, quoi. Vivre mais sans, ça serait pas possible. Ils font encore des chansons ? Oui. Ah oui, plein, ouais. Ils ont multicolores, ils ont. Oui, ils ont. Alors ce qu'il faudrait, c'est qu'ils parlent moins vite. Pour qu'on puisse comprendre. Bah, ouais, mais alors du coup, ça serait plus leur style. Mais oui. Ouais. Mais effectivement, après, si on n'aime pas le style rap, c'est sûr que c'est compliqué. Mais c'est ouais. Alors, c'est moi, j'aime bien et surtout la première écoute. Vous inquiétez pas, moi, j'avais pas du tout compris les paroles non plus. Ouais. Après, une fois que j'ai eu le sens, maintenant, quand je l'écoute, ce que j'aime bien avec ce style-là, c'est comme pour Ayam, c'est-à-dire qu'au bout de 25 écoutes, on découvre encore un nouveau sens aux phrases. Comment t'as connu cette chanson ? Alors, je l'ai connue. Parce que j'ai un ami qui les avait vus sur scène, qui m'avait dit bah écoute, c'était à 3-4 ans effectivement, j'avais écouté, j'étais pas aux 40 ans de Radio Gémozo, mais j'ai regretté parce que je pouvais pas, mais j'adorerais les voir sur scène quoi, parce qu'ils sont très très forts, ils jouaient beaucoup avant sur Golbet, à l'Artiste, qui était un café concert, et ouais ils ont ils ont fait aussi les comment ça s'appelle le Jardin du Michel aussi cette année je crois. Il me semble. C'est quoi ? C'est un festival de musique. Ouais, c'est comme la fête de la musique quoi. Voilà mais à Toul. Et donc voilà. Du coup ce titre il est sorti en 2018. Voilà. C'est d'accord 2018. Un peu moins. 2018. Ça donne trop. En tout cas c'est quelque chose qui me plaît moi. Merci Benoît. Et j'ai remarqué aussi quelque chose que Benoît avait fait. Un coup tout à l'heure, c'est qu'il a tapé sur le stylo sur la table. Ah oui, excusez-moi. Il tapait en fait le rythme. Et ça vous gêne peut-être, c'est vrai que c'est. Non. Non, c'est juste que ça peut trahir des fois. Ah bah oui, je regarde. Oui, parce qu'on t'observe depuis tout à l'heure. Oui. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de l'écouter et. Ben, merci à vous. De rien, Benoît. De rien. Charlie Bérangère. On a du temps, il y a rien après, donc la dernière chanson et après là-bas. Ok. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont fauchés. Je reviens par le train de nuit. Nous sommes de retour à l'antenne après cette belle chanson. Alors, comme dirait Yann, il y avait de l'ambiance. Parce que moi, j'ai regardé, il y en avait quand même qui connaissaient les paroles. Il y a quelqu'un qui bougeait son corps. Donc, c'est dommage parce qu'apparemment, tout le monde a choisi son morceau musical. Donc, ça va être difficile, là. Moi, je pense que Charlie. Par contre, moi, j'aime bien la musique. Ouais. Parce que c'est mon style. Que j'écoute, tout le temps. Donc, Alors qu'est-ce que tu écoutes ? Est-ce que tu sais qui c'était ? Pas du tout. Est-ce que quelqu'un sait ? Je connaissais pas la musique, donc. J'ai une idée, mais je. Dis, vas-y, c'est qui ? Mais je me souviens plus du tout. J'ai déjà entendu. C'est un prénom. Anaïs, est-ce que tu connais le non, chanteur ? Malheureusement. Alors Nicolas, on reviendra après sur qui a chanté. Tu dis que c'était ton style musical. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu écoutes ? Ce que j'écoute, c'est des trucs comme ça, quoi. C'est des musiques qui... je sais pas comment décrire. Eh ben alors, donne-moi un exemple. Musique classique. D'accord. Alors, si sur une musique classique, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de texte ? Des musiques classiques, je sais pas comment décrire. D'accord. Ouais. Des musiques classiques, des musiques avec les paroles. Ouais. Français ? Oui. D'accord. C'est ça. Alors revenons à notre morceau qu'on vient d'écouter. Mmh. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? Non. Non. J'adore la musique. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? Bah, le rythme, les paroles, même le chanteur, je trouve qu'il chante bien. Ouais. Bon, moi, je suis plus dans des musiques plutôt électro. Comment ? Bah, la musique russe que j'ai sortie tout à l'heure. Mais ouais. Des chansons comme ça, j'aime bien encore. Ouais. Oui, une fois de temps en temps, c'est... Ouais. Ça apaise. Enfin, c'est... Charlie, tu es sans voix ? Un petit peu, oui. Alors, pour moi, ce qu'il veut dire par les mots bleus, c'est les mots un peu tristes, tout ça. Ouais. Anaïs ? Je sais pas. Bon, alors moi, j'ai adoré. Les paroles, en fait, sont très belles. Oui. La voix, elle est posée. Ce qui est bien, c'est que voilà, la musique, elle est un petit peu en dessous de la voix. Donc, voilà, le chanteur a bien posé sa voix. C'est, ça, c'est super à écouter et on passe un bon moment. Oui. Et moi, je pense savoir c'est qui. Bah, il reste pareil, une personne qui n'a pas été devinée. Non, deux personnes. Il reste deux personnes. Ouais. Donc moi, je dirais Bérangère. Pareil. Je dirais Bérangère aussi. C'est pas parce que la musique est peut-être un peu vieille, mais... Moi, je dirige sur Charlie, parce que je l'ai vu qu'il était en train de chanter la musique. Moi, je dirais Charlie. Ah, on était plusieurs à la chanter. Hein. Tout moi, le monde était un peu en train de la chanter. Oui. Non. Non, bah Yann, c'est sûr que non. Mais... Anaïs, toi, tu vivais la musique, t'avais les yeux fermés. Oui. Effectivement, vivais les rites, c'était très bien. Ouais. Et je pense qu'on était trois ou quatre, même si on a les masques, à voir que le masque bougeait, parce qu'on chantait les paroles. Juste, moi, je trouve aussi cette chanson très belle. Hein, vieille, mais qui, je pense, restera dans le temps. Ouais, parce que quand on écoute les paroles, elle est, malgré tout, c'est un peu comme du... Comment ? Du Balavoine, elle est intemporelle, enfin, elle... Elle est encore aujourd'hui, elle a les paroles, elles ont un sens. Alors, tout le monde s'est exprimé. Est-ce que Charlie, c'est toi ou pas ? Ben non. C'est Bérangère. Oui, alors c'est mon choix d'aujourd'hui. J'ai choisi Christophe, Christophe les yeux bleus, de 1974. C'était Jean-Michel Jarre qui a écrit les paroles. Et c'était une chanson alors, qui exprimait les difficultés d'exprimer les sentiments amoureux. D'ailleurs, quand on écoute les paroles, hein, Christophe a quand même du mal à ce que la personne reçoive ses paroles. Et j'ai trouvé ça très joli, en fait. C'est très posé, très calme. Et en même temps, pas triste du tout. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Merci Bérangère de ce choix. Alors, merci Bérangère, effectivement, très jolie chanson. Même si bon Christophe n'avait pas besoin de nous pour une chanson qui est très très connue, mais très belle, effectivement. Ouais. Ouais. Ben. Il doit nous rester une musique. Bah, ce sera Charles. Je serai prêt. Il a dit quoi ? Bah, ça peut être une auditrice. Oui, ça peut être aussi une auditrice. Oh, ça va. Il n'a pas trop le choix. Non, c'est pas vrai. C'est le cas. Et pas de panique, Charlie. Ça va venir. Attends. Oui, il y a Anaïs. Oh là là, la pagaille. Est-ce que ça va être une auditrice ? On t'attend. Charlie, tu peux un peu dans le temps. Ça se peut qu'il y ait encore une auditrice ? Oui, c'est ça. Ah. Ben, je crois que c'est une personne. Comment ? Je crois que c'est une personne. Ben attends, mais on peut avoir plusieurs auditrices. Alors, tout va bien. Hop, nous allons passer à la dernière chanson. Ah, on fait une émission qui dure. Hein. Je la note. Avancer droit, perdre son temps, avoir peur de soi ou peur des gens, c'est si facile quand on s'endort, perdre le fil sans les accords. retour à l'antenne pour cet ultime morceau. Alors, vos impressions ? Ça parle d'amour. Oui, ça parle d'amour, c'est amour, aimer à mourir sans respirer. Voilà, c'est fort. Belle chanson de Loan. C'est aussi très touchant. Oui, qu'est-ce qui est touchant ? Que certains n'arrivent pas à s'exprimer, mais qu'ils peuvent écrire des chansons pour essayer... Pour mettre en mots leurs sentiments. Oui. Très bien, ça. Anaïs ? Une musique que j'écouterai et qui me permettrait de danser. Ah ! Alors, c'est récent, hein, cette musique, parce que je disais hors antenne que ça aurait peut-être été aussi mon choix d'aujourd'hui. Alors, on aurait été deux. Charlie. Pourquoi ce choix ? Oui. Oui. Oui, c'est ton choix ? Oui, c'est mon choix. Alors, explique-nous. Alors, c'est issu du dernier album de Louane qui s'appelle « Joie de vivre ». C'est une chanson qui est sortie au printemps dernier et pendant les vacances d'été dans la voiture avec mes parents et ma mamie, on l'a beaucoup entendue et je passe le bonjour à mamie qui doit certainement nous écouter. Alors bonjour mamie. Bonjour mamie Jacqueline. Alors c'est vrai que les musiques de Loan, elles sont toujours très... elle a une voix assez posée, c'est joli à écouter. À l'oreille comme artiste. C'est une chanteuse que je trouve vraiment humble. Oui, elle est pas, ouais, elle est pas dans le m'as-tu vu, le star system un peu effectivement. Alors moi j'aime bien, mais c'est pas ce qui va me faire transcender pour toi. Tu vois, c'est agréable à l'oreille. Ouais, moi je trouve agréable. Enfin, pour moi c'est pas assez c'est trop monotone comme rythme. Mais je reconnais que les paroles sont bien écrites. Hein. Ah ouais. Est-ce qu'elle écrit elle-même, Louane ? Non, elle n'écrit pas ses chansons. Ah bah tu vois, je pensais qu'elle était artiste, auteur. Ouais. Donc elle a un parolier. Ok. Je ne sais plus qui a écrit la chanson, mais... Ouais. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Non. Non. Est-ce que tout le monde a passé un bon moment ? Oui. Oui. C'était un très bon moment. Très bon moment. Et puis, on a un nouvel... J'ai une question. Nouvel animateur avec nous qui a toute sa place parce que... Il a des interventions très pertinentes. Ah, tout à fait. Et puis avec tes compétences en musique, ça va bien nous aider. Alors, je trouve que tu as été, Nicolas, pour une première. Tu as bien participé dès le début. Est-ce que tu comptes refaire des émissions avec nous ? Oui. Oui. Yann, tu avais une question ? C'est quand la prochaine fois qu'on repassera à la radio ? Pendant les vacances de février. Merci Anaïs. Ce sera malheureusement mon dernier. Exactement. Bah oui, parce que le 4 mars, Charlie quitte définitivement le CESAD. Fin mars, oui. Voilà. Et oui, pour voguer vers de nouveaux horizons. Exactement, voilà, c'est ça aussi. On grandit dans la vie. Donc voilà, mais dans tous les cas, effectivement, juste le titre, ça sera ta dernière émission. On pourra peut-être faire quelque chose un peu de spécial. Eh ouais, un peu particulier. À toi aussi, peut-être, de réfléchir au format qu'on mettra pour l'émission. On va dire que ça sera un peu ton émission. Ah ouais. D'accord ? Ça va, ça vous va comme ça ? Oui. Oui. Ah oui. Bon, on aurait qu'à lui laisser deux chansons et voilà. Oui. Ah oui, c'est vrai. On pourrait faire ça aussi. On fera une émission où on n'aura que du Joule. Non. Merci à vous. Merci Chris pour l'accueil. Oui, merci Chris. Oui. Merci Chris. Merci à l'auditrice qui a appelé aussi. Oui, merci Julie, merci Léo. Allô. Merci à vous les jeunes. Merci chers auditeurs et comme l'a si bien dit Anaïs, on se retrouvera aux vacances de février 2022. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances.